Selon la radio sud-coréenne CBS, le conseil de mesure du problème des volontaires a tenu le 26 à Séoul devant l'ambassade japonaise le meeting de mercredi pour exiger des actuelles autorités d'annuler l'accord sur le problème d'esclavage sexuel de nature humiliante.